En Corée du Sud, selon la radio KBS, un professeur de l'université Tongo a rendu public le 22 octobre à l'exposé de la Société de l'Histoire Moderne et Contemporaine des cartes qui prouvent que le Japon n'a pas reconnu dans le passé l'île de Dao comme son territoire. Ce sont la carte générale de l'Empire japonais et la carte destinée à l'enseignement secondaire contenue dans un manuel japonais, toutes les deux éditées par un service d'études géologiques de l'ancien ministère japonais de l'Agriculture et du Commerce en 1888 et en 1892. Sur la carte générale, des monts sont indiqués même dans une île plus petite que l'île de Dao, mais non dans les îles de Long et de Dao. La carte d'Asie du manuel rédigé par Yamagami, géologue typique et auteur du manuel de géologie du Japon, place l'île de Dao hors de la frontière japonaise.